إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. الآن ما زلنا على مسألة في مسألة العذر بالجهل. Comment يعني ce qui est de démontrer la preuve pour enlever l'excuse par l'ignorance. Car dans le livre, nous avons pris que l'ignorant peut être excusé. Min shurut istihqaq al-hukm huwa yani minha al-ilm. Parmi les choses qui font que tu mérites que le jugement s'applique sur toi, c'est que tu saches ce que tu fais. Et là, il va continuer, Inch'Allah, à fassal dans la mas'ala en rappelant des aqwal des gens de science. Avant cela, j'aimerais citer une parole de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, dans son kitab Tariq al-Hijratayn, en page 546. Qala rahimahullah ta'ala, Inna al-azab yustahakku bisababayn. Ahaduhuma al-yagrad an al-hujjati wa adam iradatiyaha wa al-amal biha wa bimujibiha. Hada wa al-awwal. Al-thani العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. Donc il dit رحمه الله تعالى que le châtiment est mérité pour deux causes. La première, que la personne se soit détournée de la preuve et qu'il ne l'ait pas voulu et qu'il n'ait pas voulu l'appliquer, appliquer ce qu'elle implique. Deuxième, c'est l'obstination. C'est-à-dire qu'une fois que l'argument lui a été démontré, il s'obstine et ne veut pas appliquer ce que cette preuve implique comme acte par la suite. Donc le premier, il dit que c'est « kufr el-i'arad ». C'est la mécréance faite par le détournement. Je te détourne de la chose. Wathani, kufr al-inad. Deuxième, c'est le kufr de l'obstination. Tu t'entêtes. Tu persistes sur le faux. Il dit, par contre, le fait d'appliquer le kufr takfir sur l'ignorant, alors que l'argument ne lui a pas été démontré, et qu'il n'a pas pu le connaître, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu l'occasion de pouvoir le connaître. Ça, c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il ne châtie pas pour cela. Jusqu'à ce que l'argument des messagers soit parvenu. Fin de ses paroles. Donc là, ça revient à ce qu'on disait hier. Tayyib, qu'il se peut que tu aies fait parvenir le message à quelqu'un de façon claire et compréhensible, mais lui s'obstine. Et parmi les choses qui font qu'il s'obstine, il te dit « je n'ai pas compris », alors qu'il a très bien compris. Car on avait dit que c'est important de venir avec un usloub compréhensible et clair. Il faut que toi, tu lui fasses comprendre la chose. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu passes tout ton temps à ce qu'ils comprennent, ce qu'ils te disent, oui, j'ai compris. Des fois, la chose, elle est comprise, mais ils ne veulent pas. Donc, de bien faire attention. Que la chose soit compréhensible est une condition. Mais que lui, il ait compris, qu'il veuille comprendre, ça, c'est autre chose. Bardahada. Qala al-mu'allif. Après, hier, qu'il a cité les adillah du kitab wa sunnah sur le fait que l'ignorant peut-être excusé, il poursuit en apportant des paroles des gens de science. Parmi elles, Kalam Azunum Dukodama fil Mourni. Qala, Fain Kana Miman la yarifu al-wujub ki hadith al-islam, wa na'shi biril dar al-islam, wa na'shi biril dar al-islam, ou badia ba'ida an al-amsar wa al-il-in, lam yuhkam bi kufrihi. Donc si c'est par exemple c'est quelqu'un qui n'a pas compris ou qui n'a pas connu l'obligation, comme par exemple une personne qui serait nouvelle en islam, ou quelqu'un qui serait dans un pays qui n'est pas un pays d'islam, ou quelqu'un qui serait dans une contrée éloignée de tout le monde et des gens de science, lui, on ne peut le m'en rendre mécréant. Wa qala shaykh al-islam Taymiyya fil fatawa qala inni da'iman wa man jalasani ya'lamu dhalika minni min a'zam an-nas nahiyan an yunsab mu'ayyan lit-takfir والتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خلفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعصيا أخرى. Donc le cheikh al-Islam me dit que vous, moi, je suis ceux qui me fréquentent, me côtoient, savent cela de moi que je suis parmi les gens qui sont le plus stricts quant au fait d'interdire, d'attribuer à une personne en particulier un takfir, de le rendre mécréant ou tafsir, de le rendre pervers ou désobéissant. Sauf si on a su que l'argument lui est parvenu. L'argument du message lui est parvenu. Cet argument, ou cet argument, que celui qui viendrait à le contredire deviendrait soit mécréant, soit un fasiq, ou soit un désobéissant. ثم قال وإني أكرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية والكونية والمسائل العملية وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل. Donc il dit et que j'affirme, je confirme que Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné à cette communauté ses erreurs et que cela comprend les erreurs qui touchent aux paroles ou qui touchent aux actes et que les salafs justement était en divergence sur beaucoup de ces masa'il. Wa ba'daha qala wa kuntu ubayyin anna ma nuqila 'an as-salaf wal a'immati min itlaq al-qawl bi takfir man qala kadha man yaqulu kadha wa kadha fa huwa aydan haqq walakin najib at-tafriq bayna al-itlaq wa at-ta'yin. Il dit également qu'il faut différencier absolument ce que les salaf, par exemple les imams, il donne des paroles absolues en disant, dans le takfir, en disant par exemple, celui qui dit telle ou telle chose, son jugement est telle et telle chose. Il dit, il faut différencier, comme on l'avait dit dans le dirs précédent, différencier entre l'application sur une personne en particulière et le côté absolu de la parole. C'est-à-dire la parole en elle-même ne vise pas une personne en particulier, elle vise un jugement de façon générale. Donc différencier entre lorsque le savant dit cela, puis après aller appliquer la chose sur une personne en particulier. Cela n'implique pas forcément que la personne en particulier mérite ce jugement-là. On l'avait cité ça hier. ثم قال كذلك والتكفير هو من الوعيد فإنه إن كان فإن كان ها طيب فإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الرجل قد يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا لا يكفر بجهد ما يجهده حتى تقوم عليه الحجة. Donc il dit comme le kalam de Nukudama, au-dessus, que par exemple, que le takfir c'est une menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si la personne venait à démentir une parole prononcée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cependant cette personne est une personne par exemple nouvelle en islam, ou qui vit dans une contrée éloignée, cette personne-là on ne peut la rendre mécréante pour ce qu'elle a renié tant que l'argument ne lui est pas parvenu. قال وقد يكون رجل لم يسمع تلك النصوص او سمع ولم تثبت عنده او عارض عنده معارض اخر اوجب تاويلها وان كان مخطئا. Et dit, il se peut également que la personne ait entendu, qui n'ait pas entendu les textes, ou alors qu'elle les a entendus, cependant ces textes pour lui ne sont pas authentiques. Ou alors que des choses soient venues pour faire obstacle entre lui et la compréhension de ces textes, qui l'ont obligé à faire un ta'wil, à interpréter ce texte. Même s'il a tort dans son ta'wil, dans son interprétation, quand même, lui, on ne peut appliquer de jugement sur lui. Donc le shir dit par la suite, l'assurance émine reprend en disant par la suite. Il a cité par d'autres ulama, mais on ne dit pas tout, car ils sont tout autour du même sujet, alhamdulillah, une deux suffisent. قال فَلْ أَصْلُوا فَمَنْ يَنْتَصِبْ لِلْإِسْلَامِ بقى إسلامه حتى تتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي ولا يجوز التساهل في تكفيره لأن في ذلك محظورين عظيمين. Donc l'origine dans la personne qui s'apparente à l'islam, c'est qu'il reste son islam tant qu'on n'a pas une chose certifiée qui nous démontre que son islam n'est plus. Et cela avec une preuve légiférée. Donc il n'est pas permis d'être laxiste et négligent dans le fait de le rendre mécréant. Il faut faire très attention. Car cela apporte à deux grands marzour, deux grands dangers. Ahaduhuma iftira al-kadhib ala Allah ta'ala fi al-hukm wa ala al-mahkum alayhi fi al-wasf alladhi nabazahu bihi. Donc le premier de ces marzour, que cela est, que revient à forger un mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala dans son jugement. et également sur celui sur qui on juge. Le jugement est sur le jugé. Je ne sais pas si on peut dire le jugé. Sur celui sur qui s'applique ce jugement. D'une chose dont il est innocent. Pourquoi ? Parce que le premier, comme le Shir le dit, il a jugé de mécréance de kufr sur une personne que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas rendu mécréant. Donc lui revient au jugement de celui qui aura rendu haram ce qui est halal. Car le takfir ou le contraire, ça revient à Allah seul. Comme le hukm du tahrim et du tahlil. C'est Allah qui rend halal, qui rend haram. Donc c'est Allah qui rend mu'min ou kafir. Ça revient à son jugement à lui. Ça c'est par rapport au mensonge sur le jugement d'Allah. Et le mensonge par rapport à celui sur qui s'applique ce jugement, il dit, le fait de décrire un musulman par un jugement opposé à sa réalité, comme le dire qu'il est kafir alors qu'il ne l'est pas, ça c'est parmi les choses qui font que ce jugement revient à celui qui l'aura prononcé. Comme cela est venu dans le Sahih de Muslim, selon Abdullah ibn Omar, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. Que si jamais l'homme rend mécréant son frère, alors cette parole-là revient sur l'un des deux. Dans une version, إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. Il dit soit il est comme il l'a dit, ou alors cette parole revient sur lui. Et dans le hadith d'Abu Dhar, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا رجلا بكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا جار عليه. Il dit que, selon Abu Dhar, que celui qui aura attribué la mécréance à une personne, c'est-à-dire qu'il a jugé de kafir, ou qu'il aura qualifié de adou Allah, et que la chose n'est pas, et que tel n'est pas le cas, alors cette parole-là reviendra sur lui. Et là, tanbih par rapport à ces hadiths, il y a eu des explications, car cela n'est pas de takfir. Certains ulama ont fait des explications par rapport à ces hadiths, le fait de dire, de traiter de kafir un muslim, et si ce n'est pas le cas, que cela revient sur toi, comme l'imam Nawawi, rahmallahu ta'ala, parmi les explications qui ont été données, par exemple, que celui-ci aura rendu cela halal. Ce takfir, il aura rendu halal. Donc là, il aura rendu halal à haram, donc là, pour cela, il aura mécru. Ça, c'est une des hypothèses. Parmi elles également, que c'est le jugement, c'est-à-dire cette parole-là, elle est interdite. Donc, le isme de cette parole revient à celui qui l'a prononcée. Si tu dis à ton frère, il y a kafir, et qu'il ne l'est pas, cette parole-là, le mal qu'elle contient revient sur toi. C'est-à-dire, c'est toi qui endosses le péché, et non pas que tu deviens kafir pour autant. Voyez, il y a eu plusieurs explications qui ont été faites, à la coulée, là n'est pas le sujet. Mais c'est pour comprendre le hadith, pour ne pas également par la suite retomber dans ce qu'on vient de dire actuellement. C'est-à-dire de en écrivant quelqu'un alors qu'il ne le mérite pas. Ensuite, donc ça c'était le premier danger qu'encourt celui qui rend mécréant, celui qui ne l'est pas. C'est-à-dire que cela emmène à ce qu'il mente sur Allah et sur celui qui l'aura qualifié de kafir. Deuxième danger, قال, c'est ça le deuxième danger en fait. Afwan, non, deuxième danger c'est celui-là. C'est que, par ce hadith, que ce jugement s'appliquant à cette parole, le péché qui en découle, revient sur celui qui l'a dit. De quelle façon ? Il explique. لِنَ الْغَالِبْ أَنَّ مَنْ تَصَرَّعَ بِوَصْفِ الْمُسْلِمِ بِالْكُفْرِ كَنَ مُعْجِبًا بِعَمَلِهِ مُحْتَكِرًا لِغَيْرِهِ فَيَكُنْ جَامِعًا بِنَ الْإِعْجَابِ بِعَمَلِهِ الَّذِي قَدْ يُؤَدِّي إِلَى حُبُوتِهِ وَبِنَ الْكِبْرِ الْمُوْجِبِ لِعَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى فِي النَّارِ. Donc il dit également, lui, parmi l'explication qu'il donne de ce hadith, le shir, c'est que cette personne-là s'expose au châtiment par cette parole. De quelle sorte ? Du fait que souvent, il dit souvent, les gens qui se précipitent à faire le takfir regroupent deux caractéristiques. La première, mu'jib bin nafsihi, c'est-à-dire c'est une personne qui a un but de sa personne, c'est-à-dire qu'il se voit bien lui. Il se voit bien lui. Et il méprise les autres. Lui se voit bien et mieux et méprise les autres. Donc lui, il aura regroupé deux choses. La première, al-irjab bil-a'mal. Le fait que tu aimes tes œuvres, que tu les vois, cela amène ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, te les annule. Tes œuvres peuvent être annulées pour cela. Du fait que tu aimes tes œuvres, que tu vois tes œuvres, tayyib, et que tu te vois meilleur. Et celui-là, le fait d'être hautain et orgueilleux, également, l'orgueil est une chose dans le Coran qui est venu, et dans la Sunna, L'orgueilleux s'expose au châtiment du feu, c'est parmi les plus grands des châtiments. Comme a dit un hadith kathira, que celui qui a un grain d'atome d'orgueil dans le cœur ne rentrera pas au Jannah. C'est-à-dire, ne rentrera pas au Jannah directement, il passera par le feu. Dhulan ou waliyan. Il passera par le feu. Et le kibr, et c'est une maladie qui est très dangereuse, l'orgueil. Donc celui qui fait cela, qui rend mécréant le musulman alors qu'il ne l'est pas, souvent, qui se précipite à agir de la sorte, souvent, tu verras ça en lui. Il y a déjà bin nafs ou le kibr. Bada hada. Il dit, فَالْوَاجِبُ قَبْلِ الْحُكْمِ بِتَكْفِيرِ أَنْ يَنْظُرْ فِي أَمْرَيْنِ. Donc c'est obligatoire avant de faire un jugement de takfir, c'est de regarder deux choses. Il dit, la première, les adillets du kitab de la sunna. C'est-à-dire, pour être sûr que la personne ne va pas mentir sur Allah en rendant mécréant quelqu'un qui ne l'est pas. وَالثَّانِي إِنْتِبَاقِ الْحُكْمُ لَلْشَخْصِ الْمُعَيِّنِ بِحَيْثُ تَتَمْ شُرُوتِ التَّكْفِيرِ فِي حَقِّهِ وَتَنْتَفِي الْمَوَانِعِ. De bien regarder si le jugement s'applique sur cette personne-là, en particulier, du fait que les conditions sont remplies, sont réunies, également, et que les interdictions sont absentes. Car il faut qu'il y ait des shurut qui soient réunies, et que les interdictions soient absentes. Car il y a des choses qui interdisent à ce que tu rendes mécréant un musulman. Et des conditions sont requises pour agir de la sorte. Et il dit, parmi ces shurut, par exemple, que la personne sache qu'elle s'oppose à la preuve. Cette preuve qui fasse que son opposant devienne un kafir. Comme a dit le Nabi, comme a dit Allah Ta'ala, « وَمَنْ يُشَكِكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. » Que celui qui fait sécession avec le messager après que la guidée lui soit parvenue et qui suit un chemin autre que celui des croyants, celui-là, nous le mettrons au feu et quelle mauvaise destination. Donc là, le verset est clair. Celui qui a su la guider, mais qui a fait sécession, qui s'est différencié, qui s'est séparé du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Qui sache ce qu'il fait. Donc là, ça revient à quoi? Al-'udhr bil-jahl. Par contre, il dit, est-ce qu'il est conditionné qu'il connaisse la sentence qui s'applique pour que celle-ci s'applique sur lui? Il dit non, ce n'est pas obligatoire. Du fait qu'il sache que ce qu'il a fait, c'est une mukharafa, il n'est pas conditionné qu'il sache que cette mukhalafa implique telle sentence pour qu'il l'ait. Par exemple, celui qui fait zina, mathalan, s'il sait que le zina c'est interdit, c'est haram, il n'a pas à savoir que la sentence c'est la lapidation à mort s'il a été mursin, ou qu'il soit flagellé s'il était un bikr. Ce n'est pas demandé ça. Du fait qu'il ait su que le zina est haram, ça suffit pour que la sentence s'applique sur lui. Même s'il dit, je ne savais pas qu'on allait le lapider. On dit, pas besoin de savoir. Du moment que tu savais que le zina était interdit, que tu l'as fait, maintenant la sentence s'applique sur toi. Et c'est quoi le hadith? La preuve, c'est le hadith de cet homme qui a fait le jima avec sa femme pendant le jour de Ramadan. Cet homme qui a eu des rapports avec sa femme lors de la journée de Ramadan. Il ne savait pas qu'il y avait une kafara derrière et des choses à faire. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait appliquer sur lui. Il ne savait pas. Il savait que c'était interdit, mais il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait faire par la suite. Donc ça, c'est la preuve que celui qui ne connaît pas un jugement, du moins la sentence qui découle de ce jugement, yani, il n'est pas demandé qu'il connaisse la sanction qui découle de ce jugement, de cet acte, pour que celle-ci s'applique sur lui. Ce n'est pas demandé. Ce qui est demandé seulement, c'est qu'il sache que ce qu'il a fait, c'est mukhalafa. À la fin. Tayyib. Ensuite, parmi les choses qui interdisent le takfir, an yakuna mukrahan, quelqu'un qui était contraint. Il a fait du kufr par contrainte, malgré lui. Comme a dit le Ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbu mutma'innun bil iman, walakin man sharaha bil kufri sadara fa 'alayhi 'adabun min Allah wa lahum 'adabun 'azim. Donc celui qui a mécru en Allah après qu'il ait eu la foi, hormis celui qui aurait été contraint alors que son cœur est plein d'iman, tayyib, alors ceux-là sont pardonnés, il y a un taqdir. Quant à celui qui a fait cela délibérément, tayyib, c'est-à-dire sans contrainte, alors celui-là aura la colère d'Allah sur lui et ils auront un dur châtiment, châtiment immense. Donc l'ikrah, dans les kutub, dans les durus de Nawakid al-Islam, on a cité les shurut de l'ikrah. Car ce n'est pas toute ikrah, toute contrainte qui est acceptée. L'ikrah, elle a des shurut, kazalik. C'est encore les shurut sous shurut. Revenir aux durus de Nawakid al-Islam pour savoir, Inch'Allah. Parmi les mawani, les choses qui empêchent le takfir, c'est que la personne n'a pas fait exprès dans ce qu'elle a fait. Comme a dit Ta'ala, laissez alikum junayhum fima ahtatum bihi, walakin ma ta'amadat kulubukum, ma kaina Allahu hafuran ruahima. Que Allah, nul grief sur ce que vous avez fait, nul blâme sur ce que vous auriez fait involontairement, c'est-à-dire les fautes commises involontairement, mais cependant, ce que vos cœurs ont fait délibérément. Et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Donc là, il y a une différence entre ce qui était fait volontairement ou pas. Voyez, et c'est quoi la preuve? C'est le hadith de Anas, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, الله يشهد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كنا على راحلتي بأرض فلاح. Que Allah est plus content de la tauba de son serviteur lorsqu'il fait tauba que l'un d'entre vous qui était sur sa monture et qui l'a perdue en plein désert, sur laquelle il y avait sa boisson et sa nourriture, tamam, et qu'il a désespéré de la trouver. Et par la suite, il l'a trouvée. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Tellement il est content. Il dit « Allahumma anta abdi wa ana rabbuk »« Akhta'a min shiddat al-farah » Qu'il a dit « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur » Il s'est trompé tellement il était content. Donc là, est-ce qu'il a fait exprès? Ses paroles, c'est du kouf. Mais il ne s'en est pas rendu compte quand il l'a dit. Vous voyez, mais il ne s'en est pas rendu compte. Donc lui, il est excusé également. Donc parmi les choulotes, que soit l'acte soit fait délibérément. Et non pas par erreur. « Wa min al-mawani aydan » Que ce soit une shubuhat, un ta'wil fa'asid qu'il a. La personne elle a une shubuhat. Du fait qu'il pense que ce qu'il fait, il a raison. Voyez? Mais ce n'est pas le cas. Lui, il ne veut pas pour cela faire une mukharafa, se poser au dalil. Mais il pense qu'il a raison, il a une shubuhat. Et ça revient au même dalil. Donc là, il cite une parole de Ibn Qudama dans le Mughni. Il dit, « Wa in istahalla qatl al-ma'soumin wa akhadha amwalahum » بغير شبهة ولا تأويل فكذلك يعني يكون كافرا وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم وفعلهم ذلك متقربين به إلى الله تعالى إلى أن قال وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دماءهم واستحلال دمائهم وأموالهم واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم وكذلك يخرج في كل محرم مستحلة بتأويل مثل هذا. Donc il cita que celui par contre qui a rendu licite le fait de tuer celui qui est préservé dont le sang est préservé et de prendre ses biens alors qu'il n'a pas de shubuhat et pas de ta'wil, pas d'interprétation, alors celui-là c'est un kafir. C'est-à-dire celui-là il sait. La preuve lui était donnée que ce qu'il fait c'est haram, il le fait quand même. Par contre, si jamais il a un ta'wil, il interprète les textes, comme ce fut le cas des khawarij. Car il a dit, nous avons cité que la plupart des gens du fiqh ne les ont pas rendus mécréants, alors qu'ils ont rendu licite le sang des muslimines et leurs biens. Et ils ont fait cela en guise de ibada. Pour eux, c'est une adoration. Pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il dit également, car on connaît du madhab des Khawarij qu'ils ont rendu mécréants beaucoup des Sahaba, et ce d'après eux, et qu'ils ont rendu licite leur sang et leurs biens. Et qu'ils avaient pour croyance que cela était une adoration qui leur approche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas pour autant que les Fuqaha les ont rendus mécréants, c'est à cause de ce ta'wil, de cette interprétation qu'ils avaient. Et il a dit, il en est de même pour toute personne qui rendrait licite un illicite, qui rendrait halal à haram, avec un ta'wil. Ça veut dire qu'il a une chose qui pense qu'elle est vraie, c'est un ta'wil, mais elle ne l'est pas. Et également, ce n'est pas tout ta'wil qui est accepté. Parce que les ta'wils sont complètement tirés par les cheveux. Et les ta'wils, ils ont un wedge. Ils ont un sens. Vous voyez, ils ont un sens, et t'en as d'autres, ils ne sont pas acceptés. Donc ce n'est pas non plus tout ta'wil qui est accepté. À la colline. Et c'était d'autres paroles de ulama, parmi eux, Shalissam Taymiyyah, rahmallahu ta'ala, qu'il citait que Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, lorsqu'il a combattu les Khawarij, il ne les a pas combattus du fait qu'ils étaient des koufars ou quoi. Tamam. Mais il les a combattus pourquoi? Qala wa lam yuqatiluhum Ali hatta safaku ad-dam al-haram wa agharu ala amwal al-muslimin fa qatalahum lidaf'i dhulmihim wa baghihim la li annahum kuffar toujours des kalam de Cheikh al-Islam, qui les dit que Ali s'est combattu les Khawarij que lorsqu'ils ont fait couler le sang des musulmans et qu'ils ont pris leurs biens. Donc Ali les a combattus pour repousser leur injustice et leur tyrannie, non du fait qu'ils étaient des koufars pour lui. C'est pour ça que Ali, radiallahu anhu, n'a pas pris leurs biens en butin, car ils étaient des musulmans. Et il n'a pas pris leur femme en tant qu'esclave. Car là, il a combattu des musulmans. Au fil akhir kol. Donc après avoir cité les paroles de ces ulama, Cheikh Othaymine nous dit pour finir, pour clore la mas'ala, والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله ويفعله مما يكون كفرا كما يكون معذورا بما يقوله أو يفعله مما يكون فسقا وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة ولا والاختبار وأقوال أهل العلم. Donc il dit, la conclusion de tout cela, c'est que l'ignorant est excusé dans ce qu'il dit ou ce qu'il fait, dans ce qui pourrait être de la mécréance ou de ce qui pourrait être de la perversion. Et cela avec les preuves du livre de la Sunna cité précédemment, hein, et les paroles des gens de science. Mais la parole la plus authentique à dire, c'est que celui, également, l'ignorance, comme on l'a dit au début, si c'est une ignorance qui a été causée par cette personne-là, il n'est pas excusé. C'est-à-dire qu'il avait devant lui les moyens de savoir, qu'il n'a pas cherché à savoir, là il n'est pas excusé. Dans un lieu où, مثلاً, il y a des ulama, il y a une da'wa, il y a des mashayikh, il y a des tullab al-ilm, il y a des kutub, il n'a pas voulu apprendre. Ou des gens qui parlent l'arabe, ils entendent le Coran tous les jours. Et ils font des choses dont les versets sont clairs, qui sont entendus dans le Coran, de façon claire. Et il les fait quand même. Ceux-là ne sont pas excusés. Vous voyez? Ils ne sont pas excusés. Alors après, il y a des choses, elles sont fiya ishtibah. Il y a des masaïl, elles sont plus minutieuses. Elles sont plus épineuses. Ce n'est pas tout le monde qui les comprend directement. Ça, ce sont des choses. Le fait de se moquer des messagers. Ou le fait de se moquer de la religion en sachant que la chose dont tu te moques fait partie de la religion. Comme ce fut le cas des munafiqin. Quand Allah Ta'ala, إِنَّمَا كُنَّا نَخُدُوا وَنَلْعَبُ قَالْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَأْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ. Donc les gens qui s'étaient moqués du messager sallallahu alayhi wa sallam, des sahaba, en sachant que c'était le messager sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils n'ont pas été excusés. Donc il y a des choses qui ne sont pas excusées. Taïeb, tu te moques de la religion en sachant bien évidemment que la chose dont tu te moques fait partie de la religion. Istizabidin, là-dessus il n'y a pas. Il dit, je ne savais pas que se moquer de la religion c'était interdit. Ça, ça n'existe pas ça. Tu insultes Allah subhanahu wa ta'ala volontairement en disant, je ne savais pas que c'est du kufr. Tu insultes son messager sallallahu alayhi wa sallam volontairement en disant, je ne savais pas que l'insulter c'était du kufr. Ça, c'est une chose, elles ne sont pas excusées. Il y a des choses, elles ne sont pas excusées. Et pour finir, Mbab al-Fa'ida, j'aimerais rapporter une parole de Cheikh Othaymine dans son ta'liq à Sharh Iqtida Sirat al-Mustaqim de Cheikh Ibn Taymiyyah, où il parle du fait d'établir l'argument, de donner la preuve aux gens du livre avec leur livre. Car on connaît qu'il n'est pas permis d'aller dans le livre, qu'il n'est pas autorisé d'aller chercher dans le livre de Al-Kitab. Comme le fait par exemple le faisait Ahmed Didat ou Zak el Naik ou Abdelmadjid le Congolais, leur façon de faire qui est d'aller scruter la Bible et d'aller débattre avec les chrétiens par rapport à la Bible directement. D'aller lire volontairement, de chercher dedans pour aller débattre avec eux. Cela à la base, lire dans leur livre n'est pas permis. On n'en a pas besoin. Maintenant il y a des gens, ils étaient par avant des chrétiens, donc ils connaissent la Bible. Ça c'est autre chose. Ils la connaissent la Bible. Ou ils ont entendu des musulmans qui connaissent des anciens chrétiens qui ont entendu des choses. Donc ils ont des arguments. Là maintenant, la mas'ala, c'est le fait de juger avec leur livre. Ce qui amène à reprendre leur livre. Et à revenir à leur livre. Chose qui à la base n'est pas permise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ces juifs, ces yahoudis, ont voulu faire un tahmim, c'est-à-dire, il y a eu un zina entre deux personnes de leur peuple, des yahouds, qui aient fait zina, et les ont enduits de charbon sur le visage et les faire tourner dans le souk afin que les gens les insultent. Du moins, le professeur Hassan les a interrogés, est-ce que ce jugement-là est dans votre lit, ce que vous faites là? C'est-à-dire, ils sont revenus, il a voulu revenir à la Torah pour qu'ils appliquent le jugement sur le Zani. Donc là, il dit quoi, cher Othaymine? Qal, ishkel, كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الاستلاح على ما في كتبهم وعلى ما في كتابهم. طيب donc il dit là il y a un problème. Comment est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a appelé à une conciliation ou à un jugement parce qu'il est dans leur livre à eux. قال هل نقول مثلا إذا تحاكم أهل الكتاب إلينا نرجع الحكم إلى ما في كتابهم أو إلى ما في كتابنا. Donc il dit par exemple si demain les gens du livre viennent nous voir pour qu'on juge entre nous, pour qu'on juge entre nous. Je ne sais pas ce que veut dire entre nous et eux ou des sujets entre eux. Allah ne l'a pas précisé là dans le livre. Al-Muhim, il dit, est-ce qu'on revient au jugement présent dans leur livre ou à celui qui est dans le nôtre, dans le Coran? Il dit, il est ma fiquita abina. On revient à notre jugement à nous, de l'islam. قال لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يقيم الحجة عليهم ويغزيهم ويكشف عوارهم لأن هذا الأمر الذي أنكروه وبدله كان موجودا في كتابهم وهذا من السياسة في نكاية العدو أن تجعله يستكى من رماد ناره. Donc il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu leur démontrer la preuve sur eux-mêmes de leur propre livre. Taïeb, et les humilier et dévoiler leur macre, leur complot, parce qu'ils avaient caché le verset de lapidation. Et après, c'est Abdullah ibn Salam, qui est un ancien Yahoudi qui s'était converti à l'islam, qui est un savant des Yahoudis avant, des Yahoud avant, qui a dit « Lève ta main ». Et lorsque l'autre a levé sa main, il y avait le verset du Rajm dessus, la lapidation. Donc ils ont voulu cacher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le savait cela. C'est pour ça qu'il a dit « Ramenez votre livre ». Donc il n'a pas voulu juger par la Torah, mais il a voulu le dévoiler. Et leur montrer que même dans leur livre, ils s'y opposaient. C'est-à-dire leur propre livre, ils s'y opposent. Mais il faut savoir une chose, que ce jugement de Rajm, dans la Torah, est présent dans l'islam. Donc c'est le même jugement. Donc il n'a pas jugé avec leur livre, il a juste jugé avec une chose qui, à la base, dans notre législation, est présent également. Donc là, il a dit ça, c'est une chose, parmi les politiques, les stratèges employés avec l'ennemi, que tu le fais périr sous son propre feu. Tu l'humilies et tu fais en sorte qu'il se détruise par ses propres mains. Ça demande d'avoir beaucoup d'intelligence et d'esprit de stratège. Ton ennemi, tu retournes son complot contre lui. Donc demain, demain, par exemple, les chrétiens ou les Nasara viennent critiquer le voile, le hijab. On critique al-lihya, la barbe. Mathalan. Toi, tu peux leur dire ce que tu connais. Moi, j'ai vu déjà des photos, plutôt des dessins, de ce que vous appelez la Vierge Marie. Elle est voilée en jilbab. Et j'ai vu les images que vous faites de Isa alayhi salam, que vous appelez Jésus, il est barbu. Donc qu'est-ce qu'on a apporté de nouveau, nous? Des choses comme ça, des éléments que tu connais des Nasara, des Yahoud, tu peux réfuter sur eux de ce que tu connais. Maintenant, ne va pas dans leur livre chercher ce que tu ne connais pas. Ne va pas dans leur livre, ce n'est pas permis. Mais parmi les gens de l'islam, certains étaient des chrétiens auparavant, donc ils connaissent. C'est-à-dire, si en réalité vous appliquez ce qu'il y a dans votre livre, vous allez arriver à notre livre à nous. Donc vous avez contredit l'islam, pourquoi? Car à la base, vous avez contredit votre propre religion. Donc le shahid de tout cela, parce que Mabé Faïda, que l'ignorant est excusé, voyez, à la base. Ce n'est pas dans l'absolu, ce n'est pas dans toute ma sahil, mais l'ignorance parmi les causes qui font qu'un jugement ne peut être établi sur une personne. Et on précise que ce jugement, dans le takfir, est également valable dans le tabdir, le fait de rendre innovateur. C'est les mêmes règles. Le tabdir, le takfir, le tafsir, on le répète, c'est les mêmes règles. Donc ne rend pas quelqu'un moubtadir comme ça, sans avoir réuni les chouroutes, et regarder les mawani'a. Et à la base, ce genre de jugement revient au ulama. La base, dans ce jugement-là, revient au ulama. Il y a des choses qui sont claires, que tout le monde peut faire, même à Ami, mais d'autres masaïl plus général, voyez, on revient au ulama par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, là, j'ai lu l'avis du shir. Et de ce que je connais maintenant, je ne suis pas non plus étalé sur la masala, chercher tout ce que les ulama disent. Vous voyez, t'as des gens qui ont fait des enquêtes plus minutieuses par rapport à cela. J'ai pas fait un barf, yani daqiq dans la masala, une grande enquête pour regarder vraiment partout ce qui était dit dans. Mais je me base sur ce que j'ai entendu, ce que je connais. Hada. Fa Allahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.